chercher des armes. Donc, bon, c'était fait un peu de façon brutale. On rentrait, on faisait un grand coup de pied. Et puis on foutait tout dehors, hein, il faut le dire. Hein, on foutait tout dehors. C'était pas très bien, mais en fait, c'était comme ça.